Chapitre 24e, la rue Mellet. Bastien était revenu pâle et agité chez Armand, en lui disant « C'est étrange, j'ai cru voir Andrea. » À ce nom, Armand tressaillit et se leva vivement. « Andrea, tu as vu Andrea ?»« Non, » dit Bastien, « ce n'est pas lui, ce ne peut être lui. » Monsieur de Kergaz était devenu pâle subitement, comme l'homme saisi d'un mouvement de terreur. Et en effet, il avait peur. Lui qui était rave toujours, au seul nom de cet homme qui avait brisé son premier amour. « Jeanne, » murmurait-il en lui-même, s'il allait rencontrer Jeanne. Mais Bastien lui raconta succinctement ce qui lui était arrivé, demeurant convaincu qu'il s'était trompé et qu'il n'y avait rien de commun entre Andrea et le baronnet Sir Williams. Et alors Armand respira bruyamment tant son émotion avait été grande. « Voyons maintenant, » dit-il à Bastien en se remettant un peu, « songeons à toi. Ton dévouement, l'affection que tu m'as vouée, t'ont poussé si loin que tu t'es attiré une mauvaise querelle. Il s'agit d'aviser. Je ferai, s'il le faut, une visite à cet intraitable insulaire, mais je ne veux pas que tu te battes. À ton âge, mon vieil ami, c'est presque ridicule. Bon, fit Bastien d'un ton piqué, vous me croyez plus vieux que je ne suis, monsieur le comte. Je n'ai que 65 ans, et je suis solide encore, soyez-en bien sûr. Soit, mais tu ne te battras pas, je me battrai plutôt moi. Bastien haussa les épaules. « L'anglais a affaire à moi et non à vous, » dit-il. « Par conséquent ?» M. de Kergaz comprit quelqu'un vieillard entêté la ruse et la seule arme qu'on puisse employer. Il se décida à chercher quelques moyens détournés d'empêcher cette rencontre. « C'est bien, » dit-il. « Nous verrons plus tard. À présent, parle-moi de Jeanne. »« J'aime mieux cela, » répondit Bastien, qui raconta ce que nous savons déjà de son emménagement rue Mellet et du plein succès qu'avait obtenu le petit mensonge à l'endroit du piano. « Eh bien, » dit Armand, « tu vas retourner rue Mellet. Tu feras une visite à cette jeune fille à titre de voisin et d'ancien ami de son père. Puis, tandis que tu seras chez elle, je me présenterai chez toi et sonnerai à ta porte. Au bruit de la sonnette, tu te lèveras. Sans doute que Jeanne t'accompagnera jusqu'à la porte et que je pourrai l'entrevoir. « Je comprends, » dit Bastien, qui se leva sur le champ pour obéir. Comme ce dernier sortait, le valet de chambre du comte entra une lettre à la main. Depuis qu'il s'était imposé cette œuvre mystérieuse à l'accomplissement de laquelle il dépensait ses immenses revenus, depuis que, sous tous les costumes, dans tous les quartiers de Paris, le comte Armand de Kergaz recherchait des infortunes pour les soulager et poursuivait ces malfaiteurs qui échappent si souvent à la loi, il avait une sorte de police secrète dont les ramifications embrassaient tous les degrés de l'échelle sociale. Chaque jour lui parvenait de longs et minutieux rapports remplis de renseignements. Tantôt c'était une honnête famille à soulager, tantôt un enfant à soustraire à de mauvais traitements, tantôt encore un de ces crimes ténébreux de tyrannie domestique qui échappent à la loi et qu'il était urgent de punir. Armand rompit le cachet de la lettre apportée par le valet de chambre et lut ce qui suit. En octobre 1800 et quelques, pendant la guerre d'Espagne, une jeune femme nommée Thérèse se retira en compagnie d'une femme âgée qui passait pour sa tante dans les environs de Fontainebleau, à Marlotte, et y passa l'hiver et le printemps qui suivirent. La jeune femme était enceinte. Était-elle veuve, ou avait-elle commis une faute? Cette dernière hypothèse est la plus admissible. À la fin du printemps, la jeune femme mit au monde un enfant du sexe féminin qui reçut le nom d'Hermine. Les deux femmes, la nièce et la tante, passèrent encore une année à Marlotte, la mère allaitant son enfant. Vers le mois de novembre suivant, elles partirent pour Paris. Le bruit courut à Marlotte que la jeune femme allait se marier. Ce qui confirmait ce bruit, du moins en apparence, c'étaient les visites réitérées pendant les derniers mois de leur séjour d'un homme encore jeune qui occupait, disait-on, un emploi dans un ministère. Là s'arrêtaient les renseignements transmis à M. de Kergaz. Armand demeura rêveur pendant quelques minutes. Puis il écrivit sur son livre mystérieux ces quelques lignes. Recherchez si en novembre 1800 et quelques, un employé du ministère n'aurait point épousé une jeune femme du nom de Thérèse, et si cette jeune femme n'était point déjà mère d'une enfant appelée Hermine. Quand il eut refermé le livre, M. de Kergaz s'habilla, sortit à pied et se dirigea vers la rue Mellet où Bastien l'avait précédé. L'ancien hussard, boutonné militairement jusqu'au menton, était d'abord entré dans son nouveau logement, puis il avait sonné à la porte de Jeanne. Mademoiselle de Balder était tout heureuse d'avoir provisoirement la jouissance d'un piano. Depuis que Bastien était parti, elle était assise devant l'instrument, et n'avait cessé de promener ses belles mains sur le clavier, répétant tous les morceaux qui lui rappelaient son enfance. Lorsque le vieux soldat se présenta, elle était encore au piano et elle le reçut en rougissant. Bastien avait depuis 30 années pris du monde, comme on dit. En vivant d'abord auprès du père d'Andrea, puis avec M. de Kergaz, il était devenu peu à peu un de ces hommes rigoureusement distingués, à qui un reste de tournure militaire donne ce qu'on appelle du cachet. Bastien avait été nommé sous-lieutenant après la campagne de Russie, et bien qu'il n'eût jamais rempli de l'emploi de son grade, car il avait quitté le service en 1815, on lui prit, grâce à sa rosette d'officier de la Légion d'honneur, pour un colonel retraité ou même pour un officier général dans le cadre de réserve. Rien n'était donc plausible aux yeux de Jeanne comme l'intimité qui avait pu exister entre lui et son père. « Pardonnez-moi, mademoiselle, » dit-il en baisant respectueusement la main de la jeune fille. « Pardonnez-moi d'avoir abusé de vos bontés, monsieur, » dit Jeanne, d'un ton de doux reproche. Bastien regarda le piano. « J'y tiens, » dit-il, « j'y tiens beaucoup. Je n'aurais point voulu m'en défaire. Aussi je vous serai reconnaissant toute ma vie de ce service. « Ah, » dit Jeanne, « pouvez-vous appeler cela un service ? N'êtes-vous pas un ancien camarade de mon père ?» Bastien s'inclina. Puis, comme s'il eût voulu éviter de rappeler à la jeune fille de pénibles souvenirs, il mit la conversation sur un terrain neutre. « Habitez-vous ici depuis longtemps ? » demanda-t-il. « Depuis le dernier terme, » répondit-elle. « Connaissez-vous déjà quelques personnes dans la maison ? Aucune. Je vais s'y retirer. » Le vieux soldat regardait la jeune fille, admirant sa beauté aristocratique, ses belles mains blanches, et jusqu'à cette expression de mélancolie qui imprimait à son visage une distinction suprême. Il se disait tout bas que si elle était vertueuse autant que belle, Armand serait heureux en l'aimant, et le cœur de l'ancien hussard tressaillait de joie à la pensée qu'un jour, peut-être, il verrait une jeune et belle femme entrer, pour n'en plus sortir, dans ce vieil hôtel de la rue Culture Sainte-Catherine, où le dernier comte de Kergaz vivait triste et seul. Et bien que le vieux soldat n'eût point de très grandes ressources dans l'esprit, il trouva moyen cependant d'amener peu à peu la conversation sur Armand, sur la noble mission qu'il s'était imposée, sur sa vie si austère et si triste jusque-là, et sur ce charme grave et indéfinissable qui était en toute sa personne. Et bien qu'il n'eût prononcé ni le nom de Kergaz, ni le sien à lui Bastien, qu'aurait pu faire souvenir la jeune femme des paroles d'Armand quittant Léon, « Je demeure à l'hôtel de Kergaz, rue Culture Sainte-Catherine. Si vous venez me voir, demandez M. Bastien. » Jeanne tressaillit au portrait de cet homme qui, sous tous les déguisements, portait des secours à ceux qui souffraient. Il songea aux genoux brillés, aux mains blanches et murmura tout bas, si c'était lui. Le cœur de la pauvre enfant battait déjà d'une émotion inconnue lorsqu'un coup de sonnette vigoureux se fit entendre sur le carré. « On sonne chez vous, » dit-elle à Bastien. Bastien se leva, demanda à la jeune fille la permission de revenir la voir quelquefois, permission qu'elle lui accorda en souriant, et il se retira. Ce qu'Armand avait prévu se réalisa. Jeanne reconduisit Bastien jusqu'à la porte qui donnait sur l'escalier. Mais à peine cette porte était-elle ouverte, que Mademoiselle de Baldaire pâlit et sentit tout son sang affluer à son cœur. Elle venait d'apercevoir sur le palier de l'escalier, tenant encore dans sa main le cordon de sonnet de Bastien, un homme de 32 à 35 ans, de haute taille, beau de cette beauté hardie et sévère, où la tristesse de l'âme a mis son cachet dans lequel elle reconnut sur le champ celui que déjà elle aimait. C'était Armand. Non plus Armand vêtu d'un bourgeon d'ouvrier et coiffé d'une casquette, mais le comte Armand de Kergaz, mis avec une élégante simplicité, Armand, qui fit un mouvement de surprise à la vue de Jeanne et la salua avec respect. La jeune fille s'inclina et referma précipitamment sa porte. Mais son trouble n'avait point échappé au comte, et une joie immense envahit son âme. Il se sentait aimé.